da da da da di, ani na da da di. Faudrait la faire avec une passante à séquence. Là. pèse en 32. Thank you. Yeah. Flamenco. J'aurais bien trouvé une reverb sur Reaper, mais elles sont moches. C'est un délai, ça. FX. réverb. Reverbet. Benji, je suis d'accord avec toi. Si on n'est pas synchro, c'est pas facile de jouer. Mais dans le cas d'un truc à deux accords et qui boucle à la même vitesse, eh ben, tu arrêtes le métronome de Nimbot et finalement, la boucle elle se fait sur le loop. On synchronise sur le loop. Et ça, si ça tourne à la même vitesse, normalement, le loop il reboucle toujours au même endroit.